Bon, et maintenant, tous ensemble. Vous venez avec nous? Allons. Bien sûr, l'aventure continue. Maintenant, je fonce, Alphonse. Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne. Les journaux s'en sont fait l'écho. Mercredi dernier, le 1er août, nous avons atteint ce que l'on nomme le jour du dépassement. Autrement dit, l'humanité a dépensé en 6 mois l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en 1 an. La date fatidique arrive un peu plus tôt chaque année. Tout le monde semble en convenir avec plus ou moins de sincérité. Il est grand temps de faire quelque chose pour que ça change. Corentin de Châtel-Perron ne se contente pas des incantations et des discours. Il agit à son échelle. Ce jeune ingénieur, avec un petit équipage, s'est lancé dans un tour du monde des innovations à bord d'un bateau, pas comme les autres, une sorte de laboratoire, atelier flottant où l'on développe des low-tech, c'est-à-dire des systèmes simples, pratiques, économiques et durables, dans le but de voyager en toute autonomie. Dessalinisation d'eau de mer, éolienne à partir de moteurs de récup, système de culture hydroponique, Corentin de Châtel-Perron en est convaincu. Les inventions qu'il met au point ont un véritable potentiel pour faire face aux grands enjeux écologiques du 21e siècle. Nous pourrons découvrir ses aventures sur Arte dans la série Nomades des mers, les escales de l'innovation, à partir du 29 octobre prochain. Mais nous allons déjà en avoir un petit aperçu puisque le navigateur bricoleur accoste cet après-midi dans notre bivouac. Et en fin d'émission, nous irons faire un tour en Italie pour apprendre à reconnaître la bonne mozzarella avec notre voyageuse gastronome Zazie Tavitian. Ça donne envie d'aller pas mal à l'ouest. Quoi. Parce que ah ouais, on remonte. Plus on est sud et plus on a du vent dans la gueule fort. On part toujours ou on dit on a toujours fait un petit. Attends, on se fait un Counter Strike. Le chef arrive. On sait pas le temps, mais le public, ça passe. Ouais, on va peut-être y aller. C'est cool, vous êtes nombreux. Merci d'être venus nous dire au revoir. Cool, bon, on va dans des endroits les plus meilleurs. On vous enverra des photos. Bon, les poules sont couchées à cette heure-ci, mais le cœur y est. Oui. On a choisi l'heure de départ pour pas qu'elle soit trop surprise du départ. On se réveille demain matin en plein air. Demain Nous étions le 23 février 2016. Votre bateau, Corentin de Châtel-Perron, votre bateau nomade des mers, quittait le port de Concarneau en pleine nuit, sous les applaudissements de tous les amis et les partenaires qui vous avaient soutenu dans ce projet. Vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez à ce moment-là, au moment du départ? Ouais, je me souviens bien en écoutant là le passage, parce que en fait, il faisait nuit, il brunait. En plein février à Concarneau, quand il brune, c'est pas super agréable. Ouais. Et on allait traverser le golfe de Gascogne, qui est quand même connu pour les tempêtes sévères. Ouais. Là, il y avait une fenêtre, mais vous n'étiez pas complètement sûr de votre coup. On vous sent hésiter un peu. Il y avait une fenêtre, il fallait vraiment passer très vite. Et effectivement, ça a été un peu sportif. Ouais. Et voilà, la plupart de l'équipage n'avait jamais fait de bateau. Et on a quand même embarqué Roland Jourdain et Guénolé Gaïnet, qui sont deux super skippers. Eux savent faire du bateau. Qui ont fait des tours du monde et tout ça. Et donc, ils ont été à pleine balle pour passer très vite avant la dépression qui arrivait. Et c'est pas le meilleur souvenir de traverser. Ouais. Alors, vous partiez pour un tour du monde de 3 ans. Quel était le but de cette expédition qui n'est pas complètement terminée? Là, vous êtes en escale à Paris, vous avez laissé votre bateau, mais vous allez bientôt repartir. Hein. Ouais, en fait, on a fait une première tranche entre la Bretagne et la Thaïlande. Le bateau est actuellement en Thaïlande. L'idée, c'est d'aller trouver dans toutes les escales, donc on a été dans pas mal de pays entre Concarneau et la Thaïlande, pour rencontrer des inventeurs de low-tech, comme vous avez très bien expliqué tout à l'heure, des systèmes simples, innovants, qui répondent à des besoins de base comme l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, et qui peuvent être fabriqués localement. Ouais. C'est par opposition à high-tech, hein, c'est-à-dire que là, low-tech, on pourrait le traduire par basse technologie ou technologie douce. L'idée, c'est qu'on ne cherche pas à faire le plus perfectionné. On bricole, on bidouille, ça ne doit pas être cher, ça ne doit pas avoir une grosse empreinte écologique, et ça doit répondre à des vrais enjeux majeurs. On n'est pas dans le gadget avec le low-tech. Exactement. Et oui, le fait que ça puisse être développé localement, c'est ça la vraie différence avec les high-tech. Ouais. Et donc, on est parti autour du monde rencontrer des inventeurs de ces technologies-là pour tester avec eux, qui nous présentent leurs technologies, qu'on les documente et qu'on les mette en open source, en libre accès sur Internet, pour essayer de les diffuser au maximum. Parce que souvent, des inventeurs qui inventent quelque chose de génial quelque part dans le monde, et qui pourrait profiter à des millions de personnes parfois, pour certaines des inventions, bah, en général, ça reste à l'échelle locale. Donc on s'est dit, on va essayer de profiter du fait que Internet se répand à toute vitesse partout autour du monde pour prendre ces inventions-là et en faire profiter le maximum de monde. C'est ça. Hein. Il y a à la fois, on expérimente, on diffuse, on met la loupe sur des initiatives locales qui méritent d'être multipliées à l'infini et peut-être qui contribueront à changer le monde et à nous faire aller vers un avenir meilleur. Oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal d'endroits du monde qui connaissent des problèmes similaires, comme la déforestation, comme la malnutrition, comme des histoires de pollution, etc. Et donc, il y a des solutions qui peuvent être communes, qui sont toujours à adapter en fonction de la culture locale, de l'économie locale, des moyens techniques qu'on a localement. Mais il y a quand même des principes qui peuvent être transmis et qui peuvent voilà, aider les gens. Ouais, alors, ce projet naît suite à une première expérience que vous aviez eue, Corentin de Châtel-Perron. Vous viviez à ce moment-là au Bangladesh, vous tout jeune ingénieur, hein, vous vous étiez installé, je crois, dans le cadre d'un stage. En tout cas, vous étiez sur un chantier naval. Et là, germe déjà une idée assez low-tech. Laquelle ? En fait, je travaillais dans un chantier naval qui fabriquait des bateaux en fibre de verre et j'habitais sur la rivière qui bordait le chantier naval et de l'autre côté de la rivière, il y avait des champs de fibre de jute, de jute, c'est ce qui faisait les sacs à patates. Mmh. Et j'ai décidé de remplacer la fibre de verre qu'on utilisait dans la construction de bateaux par de la fibre de jute pour voir si ça pouvait alors économiquement être intéressant pour le Bangladesh plutôt que d'importer un matériau, utiliser un savoir-faire traditionnel et une ressource locale et d'un point de vue écologique, remplacer un matériau qu'on a du mal à recycler par un matériau naturel. Ouais. Et qui en plus est en grande quantité hein, parce que dans cette région du globe, la jute couvre complètement les sols au fond de l'eau et donc du coup c'est vraiment une matière première à disposition. Alors vous allez quand même travailler sur le projet pendant 2 ans hein, parce qu'il suffit pas d'avoir l'idée. Après remplacer donc ce matériau, la fibre de verre par cette fibre de jute, il va falloir quand même un petit peu innover, travailler. Bah oui, on a monté carrément un laboratoire de recherche sur ce matériau là avec pas mal de partenariats avec des scientifiques et tout ça, et on a mis au point le matériau et ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans. Vous construisez le premier bateau dont la coque est faite de fibres de jute et de résine. Hein. Vous avez utilisé évidemment une résine et fort de ce succès et de ce prototype, vous dites, alors maintenant je vais partir pour 6 mois en solitaire sur ce bateau et en plus je vais me donner comme défi de vivre entièrement en autonomie. Alors vous prenez 2 poules avec vous, quelques systèmes, l'idée aussi de planter des patates sur le bateau, enfin vous voulez être autonome sur votre bateau. Ça va pas vraiment se passer comme prévu. Non, mais pas du tout même, parce que les poules étaient stressées, elles pondaient pas, les plants de patates ils sont morts au bout de quelques semaines, et j'ai embarqué des termites, j'avais un réchaud à bois, et donc je ramassais du bois sur les îles désertes sur lesquelles je m'arrêtais et les termites ont envahi le bateau et mon mât qui était en bambou s'est cassé. Oui, ça s'appelle un petit peu une déconvenue, une bérésina. Vous deviez être autonome, vous vous êtes vite senti démuni. Heureusement, vous avez pu compter sur la solidarité de vos voisins. Il y a un gars avec un petit bateau qui vient prendre des noix de coco sur la plage. Il s'est pointé, il m'a donné un bol de riz. Il est reparti. Et là, je me suis dit... Alors, j'étais super content parce que j'ai plus de riz depuis 2 jours. Et je me suis dit que je devrais quand même avoir la réputation d'un vieil ermite dans le coin parce que pour qu'on m'apporte un bol de riz... Mais bon, ça fait bien plaisir. À défaut d'être autonome, vous avez pu goûter à la solidarité et à la générosité des gens qui étaient sur la rive. Je vous vois sourire. Hein. Cette première expérience qui est un petit peu ratée, pour vous, c'est pas complètement un échec parce que il va quand même, elle contient en germe ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire que vous vous dites pas, ça marche pas, je me suis planté. Vous vous dites, je m'y suis mal pris, mais il y a moyen de faire mieux. Ben ça, en fait, c'est. Oui, pour moi, c'est pas du tout un échec au final parce que ça a lancé une idée qui a lancé tout un projet sur lequel je travaille encore maintenant et sur lequel on est plusieurs à travailler et qui va durer encore des années. Donc ouais, pour moi, c'était une super aventure et qui m'a fait prendre conscience justement de l'intérêt de mettre en lien différentes personnes, parce que j'essayais avec mes low-tech que j'avais embarqué à bord de m'en sortir, mais en fait on a beau être ingénieur et avoir l'esprit un peu MacGyver, souvent on a besoin de l'entraide autour des low-tech, et l'idée du projet est née comme ça. Ouais. C'est là où vous vous êtes dit surtout par internet, il y a moyen de profiter de l'expérience de chacun, de s'auto-alimenter les uns les autres et finalement de trouver des solutions qui fonctionnent, contrairement à celles que vous aviez embarquées à bord de votre bateau. Alors quand vous allez, le premier bateau, celui en toile de jute, enfin en fibre de jute et résine, s'appelait Gold of Bengal, l'or du Bengal. Et puis le deuxième bateau, Nomade des Mers. Alors il n'est pas en fibre de jute, celui-là. À quoi il ressemble ce nouveau bateau avec lequel vous avez mené vos aventures? Alors c'est un catamaran, donc il a deux coques et il est plus grand parce que le premier bateau était vraiment petit. Il fait 14 mètres de long et donc c'est un bateau qui a eu une première vie pour emmener des familles. Enfin je veux dire, c'était un bateau de plaisance. De plaisance, ouais. Et on l'a complètement transformé en laboratoire pour tester toutes les technologies qu'on va trouver aux quatre coins du monde. C'est-à-dire que toutes les cabines de confort, elles ont été évacuées. Ça devient un grand atelier. C'est vrai que c'est une sorte de bric-à-brac un peu génial, votre bateau. Et absolument inconfortable. Et assez inconfortable parce que du coup, où est-ce que vous dormez? Vous êtes à plusieurs sur ce bateau. Ouais, en général, on est 4 ou 5 à bord et donc il y a un espace pour élever des grillons, il y a des poules, un espace pour cultiver des algues, il y a des panneaux solaires, des éoliennes, un four solaire, enfin il y a une multitude de choses. Ouais. Ouais. Et alors vous n'avez pas renoncé aux poules, on l'entend, il y a un espace pour les poules, mais cette fois vous vouliez qu'elles pondent ces poules, puisque la première fois sur Gold of Bengal vous aviez eu un œuf pendant les 6 mois. Alors ça a donné lieu avant le départ à pas mal de discussions avec votre équipe pour mettre au point un dispositif qui accueille convenablement ces poules. L'idée, ce serait peut-être de caler toutes les poules dans le même et puis profiter d'une autre boîte pour faire pousser des légumes qui pourraient servir aux poules. Mais attends, déjà, il n'y avait pas une question comme quoi le poulailler était un peu trop petit considérant 4 poules? Bah non, justement, là, quand tu vois la taille de la boîte, c'est vachement grand, en fait. C'est balèze. Je pense qu'on peut caler au moins 6 poules, non? En fait, c'est bien mieux comme attache, ça. Parce que j'ai mis ça là. Ah oui, tu l'as assuré là. Mais là, elles vont se prendre des vagues. Mais non, parce que s'il y a des flottes, elles vont se mettre à l'abri. Mais il y a un filet, elles peuvent se ramasser. Ça va être plein d'eau. Mais non, mais pas du tout, regarde. Il y a dessus, là, il y a quoi? Okay, non, mais elles iront quand il fera mauvais. Maltraitance, là. Non, mais quand il fera mauvais, elles iront. Elles se mettent à la boîte. Mais ouais, quand la vague, elle sera rentrée dans le poulailler et qu'elle envahira la boîte. Toi, quand t'es sur la plage et qu'il y a des grosses déferlantes, tu restes là où il y a des. J'ai dit que l'eau, elle va rentrer dans le poulailler. Corentin de Châtel-Perron avec quelques membres de votre équipage en train de brainstormer. Tout le monde donne son avis sur la meilleure façon d'accueillir les poules à bord. Est-ce que ça s'est mieux passé pour ces deux premières années de traversée? Est-ce que les poules ont pondu à bord de votre bateau? Alors elles ont pondu, mais c'est vrai que pour la prochaine phase, je crois que je vais pas reprendre de poules parce que on a eu quand même pas mal de galères. On a par exemple embarqué un coq au Cap-Vert et l'équipage poule coq s'est très mal entendu. Ah oui. Surtout qu'il n'y a pas besoin de coq pour avoir deux. Normalement, poules toutes seules peuvent pondre des œufs. Non, mais on pensait apporter un coq comme une récompense aux poules et en fait c'est quand même pas très sympa un coq et en plus il chantait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Au début, on a cru que c'était à cause du décalage horaire, parce que comme on fait le tour du monde, on change tout le temps de fuseau horaire. Et en fait, il s'est jamais bien calé. On l'a donné à quelqu'un à Madagascar. Et puis, aux Seychelles, on a dématé au large des Seychelles. On a dû s'arrêter là-bas. Et là-bas, ils sont hyper stressés par tout ce qui arrive et qui est vivant. Et du coup, ils nous ont embarqué nos poules. Enfin, bref. Ouais. Quel parcours vous aviez fixé et vous avez suivi pour ces deux premières années de trajet? Alors, on a décidé de faire le tour d'ouest en est, ce qui est pas très classique. Les tours du monde, d'habitude, c'est dans l'autre sens. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que là, ça nous apportait un choix de pays beaucoup plus variés. Et donc, on est passé par l'Afrique de l'Ouest, le Maroc, le Sénégal, le Cap-Vert. Et ensuite, on a traversé l'Atlantique jusqu'au Brésil. On a retraversé l'Atlantique jusqu'en Afrique du Sud, en passant par une toute petite île qui est pas très connue, qui s'appelle Tristan da Cunha, qui est hyper isolée. Et ensuite, on est remonté par le canal du Mozambique à Madagascar. Et puis ensuite, donc là, on a dématé, on a été aux Seychelles, et puis en Inde, au Sri Lanka, en Indonésie et en Thaïlande. Tout ça avec vos 4 poules. Alors oui, plus ou moins le coq, plus ou... enfin il y a eu des changements d'équipage parmi les poules. Nous allons voir comment s'est passé ce voyage à la rencontre de ceux qui expérimentent les low-tech aux quatre coins du monde. Nous partons avec Corentin de Châtel-Perron sur son bateau Nomade des Mers. Daniel Fievé, le temps d'un bivouac. C'était Blondino qui chantait Bleu sur France Inter. Alors, c'est Abdoulaye qui a trouvé le plus de trucs. C'est quoi ça? C'est un vieil onduleur, on s'est dit qu'il y avait des composants électroniques qui passent dedans et la batterie. J'ai hâte de l'ouvrir ce truc. Ça n'a rien à voir avec notre éolienne du coup. Vous êtes fait plaisir. Ça c'est un vieux broyeur à papier, ça n'a rien à voir avec l'éolienne. Ah, encore un truc qui n'a rien à voir, on s'est un peu emballé. Je vous laisse faire du shopping et vous revenez avec tout sauf ce qu'il faut quoi. Par contre regarde ça, ça c'est intéressant. Ça c'est des petits moteurs qui se trouvent à pas cher et qui sont, bah, c'est déjà des générateurs tout faits. On peut se dire qu'on peut en fabriquer une comme avec ces moteurs comme ça, qui soient le moins cher possible et qui permettent de recharger un téléphone, une lampe, les besoins vraiment très basiques et qui n'ont pas beaucoup de puissance. Et on a vu sur internet des plans, mais du coup on pourra utiliser le moyeu de voiture et le cuivre. Ça coûtera plus cher, c'est peut-être un peu moins accessible, mais on peut en faire des de 200 watts par exemple, qui permettent d'alimenter la lumière dans une école ou un petit foyer avec quoi. Nous vous retrouvons, Corentin de Châtel-Perron, avec votre fine équipe de bricoleurs, ingénieurs, ce côté un peu géo-trouve-tout. Vous-même, vous êtes quelque part entre le Petit Prince et le professeur Tournesol, en version un peu écolo. Et là, vous étiez à Dakar, après avoir fait votre marché hein, au Sénégal, et vous aviez trouvé tout ce petit bric-à-brac électromécanique. Quand on dit faire son marché, c'est dans un endroit un peu particulier hein, que vous avez été trouver tout ce matériel. Ah, c'est la meilleure décharge que j'ai jamais vue. C'est Koloban à Dakar. Ouais. Alors, expliquez, là, on récupère. Là où, en Occident, on aurait tout jeté sans chercher à faire quoi que ce soit, là, des vieux appareils, des vieilles photocopieuses, tout ce matériel qui a été programmé pour tomber en panne trop vite, on récupère tout ce qu'on peut prendre à l'intérieur. Bah ouais, là-bas, en fait, ils trient énormément de choses, et notamment dans les scanners, les photocopieurs, les imprimantes, il y a des petits moteurs qui font avancer les feuilles ou qui font déplacer la tête du scanner. Et ces moteurs-là, en général, effectivement, je sais pas si c'est toujours de l'obsolescence programmée, mais je pense, la plupart du temps, les moteurs marchent toujours très bien, et la plupart des choses marchent toujours très bien dans ces machines-là. Et personne n'en fait rien de ces moteurs-là. Ouais. Et donc, on a essayé de les faire tourner en fixant des pales dessus et en les mettant dans le vent. Et en fait, ça produit de l'électricité. C'est pas énorme, mais en fait, ça permet de recharger un téléphone portable ou d'allumer des lampes ou alimenter des pompes, etc. Et ça coûte vraiment rien à produire. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous avez construit des éoliennes avec des moteurs de photocopieuse. Pour les pales de l'éolienne, qu'est-ce que vous avez utilisé? C'est des tubes de gouttière qu'on découpe et ça fait des pales. Donc, en une matinée, on peut se faire une éolienne. Ouais, pour 5 euros, vous dites à peu près le coût de revient. Oui, encore, c'est si on se débrouille pas très bien. Ouais. Il y a moyen de faire encore moins cher. D'ailleurs, donc vous travaillez sur place parce qu'à Dakar, il y a toute une équipe de makers, qu'on appelle les makers, c'est-à-dire. Alors ça, c'est un truc qui est génial et qui est assez récent, c'est que il y a des Fab Labs, des ateliers qui se développent un peu partout dans le monde, mais vraiment dans tous les pays. Et là, il y a un Fab Lab qui s'appelle Kertiosan qui avait rassemblé des makers, donc des bricoleurs, des géotrouve-tout, de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et notamment Abdoulaye qui venait du Mali. Enfin, il y avait plusieurs personnes, vraiment plusieurs pays. Et on a vu ce dynamisme, cette volonté d'inventer des choses pour le bien, pour améliorer les choses localement. Et j'ai trouvé ça génial. C'était une de nos premières escales. Et on s'est dit, waouh, en fait, dans le monde entier, où qu'on aille, il y a des gens qui ont cet état d'esprit de vouloir inventer des choses pour faire quelque chose de bien et de partager ça. Ouais. Et Abdoulaye, d'ailleurs, c'est avec lui hein, que vous construisez cette éolienne à base de petits moteurs d'imprimantes ou de photocopieuses. Il vous dit, une fois qu'il voit le résultat et qu'il voit ce que ça permet d'alimenter en électricité, mais je vais équiper tout le Mali avec cette éolienne. Mine de rien, ça peut avoir un vrai impact, ce genre de petites solutions, si on les multiplie à l'infini. C'est toute l'idée. Ah, complètement. Et puis les escales d'après, on a fait des formations aussi, puisqu'il y en a qui étaient intéressés, qui la voyaient sur le bateau ou qui la voyaient sur le site. En fait, on partage tout via une plateforme qui s'appelle Low-Tech Lab, et donc avec les plans, etc., une vidéo. Et depuis, cette éolienne, il y en a plein qui l'ont reproduite. Ouais. Ouais. Donc pour nous, c'est un bel espoir. Donc on peut mettre le lien sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac, pour ceux qui ont envie, peut-être pendant leurs vacances ou le week-end, de se construire une petite éolienne pour recharger un portable, par exemple, ça peut, ouais, ça peut vous servir. Vous allez retrouver la photocopieuse de France Inter démontée. Oui, c'est ça. Vaut mieux le faire avec une photocopieuse qui ne marche plus, hein, on est d'accord. C'est mieux, le ouais. but n'est pas de détériorer tout le matériel qui fonctionne encore. Vous, sur votre bateau, la petite éolienne, elle permettait d'alimenter quoi? Alors nous, on l'a branché sur le système d'hydroponie. C'est un système de culture hors sol qui alimente, qui fait pousser des plantes. Mmh. Et donc il y a une petite pompe, comme les petites pompes d'aquarium. Et donc quand il y avait du vent, la petite pompe alimentait les plantes. D'accord. Donc voilà, c'est ça. C'est une façon, vraiment, on va s'en rendre compte tout au long de la discussion. C'est un circuit vertueux. C'est tout un écosystème en fait hein, qui vit sur votre bateau. Donc là, c'est une façon avec le vent d'alimenter les plantes qui sont censées vous nourrir. Alors d'alimenter les plantes, il faut les arroser. Hein. Avec de l'eau douce. On a compris, vous avez besoin d'énergie pour vivre en autonomie sur votre bateau, vous avez besoin d'alimentation, hein, d'aliments, on verra un peu plus tard de quoi vous vous nourrissez, et vous avez besoin aussi d'eau douce. C'est compliqué d'obtenir de l'eau douce quand il pleut pas. Hein. Vous avez essayé des désalinisateurs, mais pour le moment, c'est pas encore complètement au point. Ça, c'était pendant une escale au Maroc, donc l'escale précédente, on a mis au point avec un inventeur local un désalinisateur. Mais bon, ça marche, mais c'est pas, ça produit pas une quantité énorme. Et du coup, ça, c'est toujours une quête qu'on a. Et là, c'est quelque chose qu'on est en train de préparer en ce moment, les escales entre la Thaïlande et la Colombie. Et c'est quelque chose qu'on essaye de chercher, ouais. Ouais. On cherche des inventeurs qui ont inventé des bons systèmes. Voilà. S'ils nous écoutent quelque part ce trajet, qu'ils n'hésitent pas à se manifester à vous. Super, ça aiderait beaucoup de monde. C'est très intéressant ce côté. On avance et on progresse au fur et à mesure qu'on avance géographiquement. On progresse dans les technologies à bord. Parce que quand vous êtes parti, des éoliennes, vous en aviez, mais c'était des éoliennes que vous aviez achetées dans le commerce et vous les avez finalement remplacées par ces petites éoliennes. En tout cas, vous y avez ajouté ces petites éoliennes low-tech. C'est pareil pour le désalinisateur d'eau. À terme, vous espérez revenir après ces 3 ans de tour du monde avec une solution qui marche. Exactement, ça c'est assez passionnant de suivre le chemin de ces innovations-là. Il y a certaines innovations qu'on voit naître par exemple sur YouTube parce que je me souviens par exemple d'un espèce de découpe-bouteille pour transformer une bouteille plastique en fil. Qui avait été inventé par c'est un tout petit outil qui avait été inventé par un russe, vous savez, il y a des survivalistes russes qui vivent dans la forêt et qui bon, bref qui avaient fait utilisent des bouteilles plastiques alors dans la forêt. Celui-là ouais, il avait inventé un petit système et c'était il y a peut-être 5 ans et puis en fait cette technologie elle a inspiré d'autres gens qui ont fait une réplique de ce système-là, mais améliorée. Il y en a même qui ont fait des petites entreprises pour fabriquer des balais à partir de ce système-là, etc. Et depuis, on voit qu'il y a des dizaines ou des centaines de personnes, même aux quatre coins du monde, qui ont répliqué leur système basé sur ce système du russe à la base. Enfin bref, ça fait des espèces de ping-pong, de recherche et développement collaborative en fait et hyper efficace et gratuite. Ouais. Alors il y a aussi donc on a vu l'énergie, l'eau, il y a aussi l'alimentation. Ça fait évidemment partie de vos préoccupations premières de savoir de quoi vous pourriez vous nourrir. Et alors là vous creusez une piste, c'est une algue, la spiruline. Vous aviez cette idée hein, d'en cultiver sur votre bateau dès le départ, mais vous aviez un rendement très très faible et vous vous êtes dit à Madagascar on va pouvoir perfectionner notre système parce qu'à Madagascar déjà, on cultive cette spiruline. Qu'est-ce qu'elle a, cette algue de si intéressant ? Alors, c'est une algue qui est hyper nutritive, qui est pleine de protéines et certaines vitamines et minéraux, comme le fer, par exemple. Et dans le sud de Madagascar, c'est hyper, c'est désertifié. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent de malnutrition, notamment des enfants. Et il y a une dame qui s'appelle Dr Voula, Madame Voula, qui est scientifique à la base et qui a découvert que dans cette région de Madagascar, il y avait naturellement de la spiruline qui poussait. Et donc, elle a fait appel à quelques spécialistes dans le monde. On en a en France, par exemple, de la spiruline. Et elle a créé une ferme de spiruline pour produire de la spiruline qu'elle vend via une entreprise. Et avec les bénéfices, elle donne de la spiruline via son association à des enfants malnutris. À des enfants dans des dispensaires où vous êtes rendu. Et je vous propose donc d'écouter cette dame, Madame Voula, qui vous explique comment elle donne à la cantine à ses enfants qui souffrent de malnutrition de la spiruline. C'est sûr, hein. Bonjour les enfants. Ah, c'est l'heure de la spiruline. Alors c'est quoi la composition de leur goûter ? Là donc, ils font de la bouillie de farine de maïs. Oui. Voilà, un peu de sucre et de l'Afrique, de la spiruline. Ils ont l'air de bien aimer. Hein. Et quel genre de carence, en fait, ça élimine de manger de la spiruline comme ça ? Là, plutôt, donc, ce sont des enfants des brousses. Et ils étaient malnutris, surtout en manque de protéines énergétiques. Protéines ? Oui. Du coup, quand on manque de protéines, on a des problèmes de... De croissance. De croissance, tout simplement. Ouais, ouais. Les enfants malnutris, ils sont très faciles à attaquer par la maladie. Donc il y a des problèmes de croissance et des défenses immunitaires qui sont trop faibles. Nous savons bien que l'aliment le plus riche en vitamine A, c'est la carotte crue. Ah oui. Oui. Alors que dans la spiruline, on peut avoir de la quantité de la teneur 15 fois plus riche en vitamine A que dans la carotte. Quand on dit les carottes, ça rend aimable, en fait, c'est la spiruline, ça rend aimable. Oui, c'est ça. Alors, ça a l'air très nourrissant, la spiruline, mais ça a quel goût? Parce que vous en avez mangé, hein, de la spiruline, pas uniquement les enfants. Depuis, j'en ai mangé pas mal, ouais. Ouais. C'est plutôt intéressant pour ses propriétés nutritives. D'accord, c'est pas bon. En fait, quand c'est déshydraté, ça a un goût d'algue, je trouve pas ça super agréable. Par contre, quand c'est frais, ça a pas beaucoup de goût et ça a la consistance de la mayonnaise. Ah oui. Et ouais, donc, ça fait une bonne base pour les sauces. Ah voilà, d'accord. Donc voilà, vous pouvez aussi nous donner des conseils de dégustation pour la spiruline. À Madagascar, on l'a compris, on cultive la spiruline pour pouvoir... Alors c'est un des éléments de réponse à la malnutrition qui frappe une bonne partie de la population. Vous, à bord de votre bateau, vous vouliez en cultiver, mais vous aviez des rendements très faibles et vous avez pu profiter de leur savoir-faire. Qu'est-ce qu'on vous a dit pour améliorer vos rendements de spiruline à bord ? En fait, c'est quelque chose qui est assez facile à faire chez soi parce qu'il suffit de... On peut faire ça dans une baignoire ou faire ça dans un bassin qu'on construit soi-même. Par exemple, il y en a qui utilisent les espèces de piscines là, d'été. Mais par contre, après, pour savoir... En fait, on sait si elle est en bonne santé en fonction de l'odeur, en fonction de la couleur et puis même en mettant la main dedans pour voir si c'est savonneux, etc. Et ces petits savoir-faire-là, ça change tout en fait parce que voilà, ils nous ont appris à mieux nous occuper de notre spiruline et avoir des productions plus élevées. Ouais. Ouais, et puis ils vous ont aussi appris qu'elle manquait de lumière, votre spiruline. Et il fallait aussi la brasser davantage. Donc, qu'à cela ne tienne, vous avez installé un tuyau transparent qui fait tout le tour du bateau, hein, si j'ai bien compris, et dans lequel la spiruline circule. Et là, ça a vraiment augmenté les rendements. Alors, c'est pas le tuyau qui a directement augmenté les rendements. Ça. Ouais, ça a été un petit échec, ce truc-là, parce que c'était expérimental. Elle nous avait dit que ça se faisait pas d'habitude. Mais comme on était sur un bateau et on pouvait pas faire un bassin comme elle fait des bassins. Ouais. Et bref, on a pu faire différents essais et au final arriver à quelque chose qui était intéressant pour nous. Mais elle était vraiment géniale, cette dame, parce que, en plus, elle formait des jeunes malgaches à créer leur propre ferme de spiruline. Donc, elle avait vraiment un impact local. Impressionnant. Et en même temps, on était donc dans le port de Tuléar, et en même temps, on a vu un bateau débarquer des sacs de céréales. Et en fait, on s'est renseigné localement. C'était un truc d'aide alimentaire mondiale. Et en fait, on nous a dit que localement, ça, c'était pas terrible pour le marché local d'arriver avec plein de céréales, de débarquer tout ça, parce que ça pouvait tuer le marché de la céréale localement, etc. Et que c'était bien pour nutritivement pour aujourd'hui, mais pour demain, c'était pas terrible. Et quand on compare l'aide mondiale avec des gens comme Madame Voula qui développe un truc local, qui booste l'économie locale, qui augmente les savoir-faire locaux, etc. C'est le genre d'exemple qui nous a vraiment convaincu que diffuser les low-tech, ça pouvait avoir un impact génial. Ouais. Sauf que la spiruline, vous nous dites, ça a pas un goût extra. Alors les Malgaches, ils s'accommodent avec ça. Ils ont appris à la cuisiner. Comment ils... Bah en fait, il y a plein de recettes qui permettent de faire en sorte que ce soit bon. Alors soit on le fait. Je pense que là, dans le cas des enfants qui en mangeaient, c'était mélangé avec une espèce de purée, donc ils sentaient même pas, je pense, le goût de la spiruline. Et après, moi, j'en ai par exemple mélangé avec du basilic. C'était super bon et de l'ail. Ah, très bien. Bon, on va aussi pouvoir mettre ces recettes pour ceux qui veulent en cultiver. Vous essayez aussi de faire pousser des salades sur votre bateau, des légumes, mais en hydroponie, c'est-à-dire sans terre. C'est pas forcément simple, vous allez nous en parler dans un instant. Corentin de Châtel-Perron, le temps d'un bivouac sur France Inter. Oh, The Benin Atmosphere, c'était Benin International Musical sur France Inter, le temps d'un bivouac. Voilà les plans du bateau. En fait, on fait pousser des légumes en hydroponie dans la serre, on les cuisine grâce au réchaud à économie de bois, on les mange, on donne les restes aux poules et aux vers de farine. Et puisque ne mangent ni l'un ni l'autre, on les donne aux lombrics, qui vont faire un jus de compost qui va nourrir les plantes. Ensuite, tout ce qui est à base de cellulose, du bois, du papier, du carton, on les donne aux champignons qu'on mange. Notre urine sert à faire grandir des micro-algues, de la spiruline qui est pleine de protéines et qu'on mange aussi. Les œufs des poules, on les mange aussi. Et les fientes de poule, on les met dans le lombricompost pour faire le jus de compost. Tout ça, c'est un peu low-tech. Mais oui, c'est low-tech, Corentin de Châtel-Perron, qui nous résumait un petit peu tout le circuit de son bateau nomade des mers. Vous recréez vraiment une sorte d'écosystème qui est censé fonctionner en circuit fermé, Corentin. Oui, alors c'est toujours en recherche et développement puisque tout n'est pas encore complètement bouclé. Il y a encore plein d'innovations à découvrir autour du monde qui vont venir contribuer à cette espèce de création d'une base vie au final. Ouais. Mais c'est assez marrant de voir les parallèles qu'il y a avec la NASA ou l'Agence spatiale européenne qui prépare des projets de colonisation des autres planètes et qui retrouvent au final des... Bon, ils n'emmènent pas des poules, mais des algues, ou ils pensent aux insectes, à l'hydroponie, etc. Ouais. Et ça se rejoint pas mal. Alors l'hydroponie, vous avez, alors déjà quand vous aviez fait votre premier voyage dont on a parlé, Gold of Bengal, vous essayez de faire pousser des patates, ça n'avait pas du tout marché, c'était un échec absolu, ces patates que vous essayez de faire pousser à bord de votre bateau. Cette fois-ci, est-ce que vous arrivez un peu mieux? Est-ce que vous avez un peu plus la main verte pour les cultures maraîchères en hydroponie, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de support, elles poussent sur de l'eau, sur des sortes de... Ouais, un substrat, comme des fois c'est des pierres volcaniques ou des de la tourbe. Alors là, c'est des... Oui, alors effectivement, c'est au Cap-Vert qu'on a étudié ça. Et il y a Sergio, un entrepreneur du Cap-Vert, qui développe cette technique-là parce que ça consomme beaucoup moins d'eau. Donc pour les endroits arides ou alors si la terre n'est pas bonne, par exemple en zone urbaine, c'est intéressant. Et donc ça peut être sur de la roche volcanique ou des billes d'argile, etc. Là, au Cap-Vert, il y avait de la roche volcanique, c'était pratique. Et ça, c'est combiné avec... Alors donc, en fait, les plantes, leurs racines baignent dans l'eau et il faut apporter dans l'eau... les nutriments dont la plante a besoin. Et donc on a combiné ça avec un système ça s'appelle un biofiltre, donc qui transforme des déchets organiques, nous dans notre cas de l'urine, qui est transformé par des bactéries en nutriments pour les plantes, et c'est ça qu'on ajoute à l'eau. Ça marche ou pas? Ça marche super bien. Ah, ouais. Voilà une alors, tête ça a qui mis marche. Des mois avant que je comprenne bien le truc, parce que j'ai vraiment pas la main verte. Et bon, je vous avoue que les patates, j'ai toujours pas réussi. Ça, c'est plutôt pour les légumes feuilles. Ouais. C'est-à-dire, voilà, la marante, salade, les épinards. Ouais. Les blettes. Ouais, les blettes. Mais par contre, vous n'aimez pas trop, vous dites super, mais il paraît que, pourtant, oui, vous n'avez pas une production incroyable et vous vous êtes dit, ça marche pas les blettes parce qu'on en a vite marre, en fait. Alors, c'est pas très bon. Et à un moment, je me suis mis que sur les blettes, à faire pousser des blettes dans tout le bateau et l'équipage en avait un peu marre. Mais je voulais, voilà, pour avancer scientifiquement, quelquefois, faut pas faire varier trop de paramètres. Ouais. Faut quand même tenir compte des goûts des passagers, parce que si on n'a pas envie de le manger, ça marche pas non plus. Et votre passage en Thaïlande vous a incité à modifier encore un peu votre régime alimentaire. Ah, ah. Alors moi qui lis bien le thaï, t'as vu les gros verres. Des grillons. Vous en voulez? On peut goûter cela? Ouais. Ouais. Hein? Ok, one. Ça, c'est quoi? Ah ouais, celui-là aussi. D'accord. Il y a le livreur qui arrive. C'est toi qui les produis? Yes. Oui, c'est moi. Comment est-ce que ça grandit? Dans la nature ou est-ce que c'est toi qui les élève? Je les élève dans une ferme. Ok. Dans la nature, on n'en trouve pas assez. Et on peut goûter cela? Faut qu'on aille le voir. Ça nous intéresserait d'aller voir une ferme. Vous voulez venir demain? Ok. Cool. Bon, c'est parti. Hein. Alors cette fois, Corentin de Châtel-Perron, ces insectes que vous dites très bons hein, à votre interlocuteur, c'était de la politesse ou vraiment vous vous régalez avec les insectes? Alors, les grillons en l'occurrence. Au début, c'est un petit peu bizarre, mais en fait, une fois qu'on se dit que c'est un peu comme les crevettes, maintenant j'adore. Vraiment, vous en mangez tous les jours de ces grillons Alors en France non, parce que ça coûte quand même assez cher d'en acheter en France, mais là les derniers mois j'en mangeais tous les jours. Ouais, parce que vous avez un élevage de grillons à bord de votre bateau. Ouais, c'est ça, et en fait les grillons c'est très simple à élever. Ouais. Ça consomme très peu de ressources en fait. Ça c'est alors vu d'ici, vu de l'Occident, ça paraît un peu une lubie, un gadget. En Thaïlande, c'est une vraie réalité. On mange des insectes et même dans le monde, parce qu'on estime qu'il y a 2 milliards de personnes qui mangent régulièrement des insectes. Ouais. Et vous dites, je l'ai lu quelque part, alors vous ne voyez pas plus que ça, mais qu'un conducteur végétarien plutôt qu'un cycliste carnivore, il vaut mieux en gros manger des insectes et conduire une voiture que conduire un vélo et manger de la viande. Au final, on est non, plus écolo. C'est vrai que la viande, ça a un impact. Manger de la viande, ça a un impact énorme en fait sur la déforestation et puis ça prend énormément de ressources. Pas dire ça trop fort parce qu'il y a une dame qui prépare de la mozzarella derrière, mais bon. Je vous la présenterai effectivement. Elle arrive avec de la mozzarella dans un instant. Alors, en Thaïlande, vous y êtes resté plus longtemps, 4 mois, et là, c'est une véritable plateforme où vous avez testé plusieurs technologies low-tech à fond. Racontez. Bah alors, une des valeurs ajoutées qu'on veut avoir avec le low-tech lab, c'est de vraiment tester à fond chaque technologie pour vraiment diffuser que les meilleures. Et sur le bateau, on peut pas tout tester. Et donc, j'ai décidé de m'installer pendant 4 mois sur une plateforme flottante en bambou. Au large d'une île déserte de Thaïlande. Donc c'est une plateforme qui faisait 7 mètres de large par 15 mètres de long, donc des bambous un peu au ras de l'eau. Et dessus, j'ai installé les 30 meilleures low-tech que j'avais découvertes pendant le tour pour vraiment les tester à fond, vivre avec quoi, en autonomie. Alors, une ou deux, on va pas faire les 30, hein, mais une ou deux emblématiques de ces 30 low-tech que vous avez testées. Alors, il y avait la combinaison entre le four solaire et le réchaud économie de bois. Le four solaire, on l'avait vu au Brésil, et le réchaud économie de bois en Inde. Et puis le combo, alors on a déjà parlé de Cellotech, mais pas du combo entre les insectes, la spiruline et l'hydroponie, qui marchait très bien ensemble, parce qu'il y a des échanges malins. C'était un peu ça, en plus de tester chaque low-tech, de voir quelle synergie on peut avoir entre elles. Alors le voyage n'est pas terminé, hein. Vous allez repartir en janvier 2019 pour encore un long périple. Hein. Le retour du bateau est prévu pour janvier 2020, avec là encore deux nouvelles low-tech à découvrir. On vous souhaite bonne chance et on a envie que ça marche et que ça donne enfin des raisons d'espérer et de voir des solutions. Merci à vous, Corentin de Châtel-Perron. Je rappelle que la série Nomades des mers, les escales de l'innovation sera diffusée le 29 octobre, du 29 octobre au 16 novembre sur Arte. Un livre éponyme qui va paraître le 10 octobre prochain, coédité par Arte et EPA, qu'on peut déjà précommander sur le site Arte Boutique. Restez avec moi, Corentin. Dans un instant, je vous emmène en Italie manger quelque chose d'un peu plus classique que vos grillons, de la mozzarella. Je déjà oublié comment ne plus t'aimer. Comment stopper la machine infernale. J'ai déjà oublié comment ne plus t'embrasser. Elle m'hypnotise, ma déesse adorée. Chérie, chérie, laisse-moi te réchauffer avec les mots troublés de ton chenapan violent. Chérie, chérie, laisse-moi m'aventurer dans la beauté cachée de ma reine de cœur. J'ai déverrouillé le cadenas givré. En embuscade, j'ai guetté ton arrivée. De l'autre côté de ce pays éphémère, j'ai dérobé des baisers de lumière. Chérie, chérie, laisse-moi te révolutionner en orbite tout autour de ma reine de cœur. Chérie, chérie, personne ne décapite, même sous la terreur, ma reine de cœur. Chérie, chérie. Laisse-moi déshabiller, robes et voilures, nus sous l'armure. Chérie, chérie, laisse-moi t'évader de ton palais doré, ma reine de cœur. Chérie, chérie, laisse-moi t'idolâtrer, primitif apprivoisé, ma reine de cœur, ma reine de cœur. C'était Reine de cœur, Arthur H sur France Inter, et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Elsa Béranger. Et à 17h54, je sais pas vous, mais j'ai comme un petit creux. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? À la soupe! Soupe! Bonjour Zazie Tavitan. Bonjour. Vous êtes journaliste gastronomique pour le site Saumon, dont nous sommes partenaires, la culture à contre-courant. Et tous les lundis d'août, vous nous donnez une bonne raison gastronomique de partir pour une ville ou un pays. Aujourd'hui, où allons-nous ? Alors aujourd'hui, je vais vous donner une bonne raison de partir en Italie, Yama. Ou plus précisément dans le sud de l'Italie, dans le bas de la Botte, dans la région des Pouilles et de Campanie. Alors là-bas, on trouve des fruits de mer improbables, des tomates qui ont du goût, des délicieuses pizzas, des Italiens bien bronzés et surtout, surtout de la mozzarella. Alors on a tous déjà normalement mangé de la mozzarella, mais on est loin de tout savoir sur ce fromage. Heureusement, vous êtes là pour parfaire un peu nos connaissances. Alors oui, maintenant, on trouve vraiment de la mozzarella partout, dans tous les supermarchés, parfois aussi à la carte des restaurants à des prix un peu délirants. Je tiens d'ailleurs à préciser que payer 18€ une mozzarella di bufala avec 3 tomates cerises, c'est de l'arnaque. À ce prix-là, autant en prendre directement un billet d'avion pour l'Italie. Ouais, enfin, si vous avez des billets d'avion à 18€, vous me donnez. Ça arrive. Vous me donnez la compagnie. Et donc la mozza, c'est un fromage à pâte filée. C'est une technique de production qui fait qu'on prépare une pâte caillée, comme tous les fromages. Et cette pâte a une fermentation telle qu'ensuite on ajoute de l'eau bouillante, elle va faire une réaction chimique, elle va filer, elle va ressembler à une pâte qui pourrait ressembler un peu à du chewing-gum. Et on la façonne ensuite pour donner la forme qu'on veut, ronde, en tresse. Et alors il en existe plusieurs sortes. Il y a la mozzarella di bufala, fabriquée à base de lait de bufflone. La mozzarella bufala di campagna, à base du même lait, mais que l'on trouve juste en Campanie. C'est une appellation d'origine protégée. La mozzarella fior di latte, à base de lait de vache, qui est plus ferme. C'est celle qu'on trouve beaucoup en supermarché. Ou encore la burrata, qui elle vient des Pouilles et qui est complètement décadente. Car en fait, c'est une poche de mozza que l'on remplit de mozza effilochée mélangée avec de la crème. Et pourquoi alors cette mozzarella est-elle meilleure quand on la mange en Italie? En tout cas, c'est ce qu'on dit. Bah, en fait, ce qui est spécial, c'est tout simplement qu'on la mange très fraîche en Italie. Souvent, vous allez la chercher chez votre fromager qui vient de la faire. C'est un peu comme aller chercher sa baguette tous les matins en France. J'étais par exemple à un mariage dans les Pouilles l'été dernier et il y avait ce qui, pour les amoureux de mozzarella, peut facilement s'apparenter à un rêve éveillé, c'est-à-dire qu'il y avait un stand où des fromagers façonnaient les mozzarella à la main et les servaient directement. Donc il faisait 40 degrés, mais les gens faisaient la queue pour avoir leur morceau de mozza. Et d'ailleurs, là-bas, on l'a mangé pure, car contrairement à la France, en Italie, souvent, on rajoute ni huile d'olive, ni sel sur la mozza. Et donc, les mozza que l'on mange en France n'ont pas le bon goût. Justement, il est pas forcément judicieux de se dire tiens, cette mozza doit être meilleure car elle vient du sud de l'Italie. Car en fait, il se peut que même si c'est une grande, c'est une marque industrielle, qu'elle soit fabriquée à base de poudre de lait. Et parfois, ça peut être une meilleure idée de manger une mozzarella locale faite avec du bon lait. Par exemple, une mozza faite en Île-de-France, pour nous qui sommes en ce moment à Paris. Mais il existe aussi des productions dans l'Aude, dans l'Aveyron ou encore en Normandie. Et du coup, je vous ai fait un petit test, Daniel. Je vous ai amené aujourd'hui une fior di latte, donc la mozza à base de lait de vache, qui vient d'être faite ce matin par Otenta, qui est une marque de mozzarella créée par Sarah, une Italienne qui vient des Pouilles, et qui travaille donc dans la région avec le lait bio de la laiterie de Rambouillet. Et je vous ai ramené une autre mozzarella, donc vous l'avez devant vous, elle fait un peu plus la gueule, qui vient, elle, du supermarché. Alors, voilà. Très bien. Alors, Corentin, vous aussi, on vous a donné une assiette avec ces différentes Merci. Sortes. Alors, laquelle vous nous conseillez en premier? Comment on déguste? La meilleure, peut-être, celle que vous avez là, avec votre fourchette. Donc, c'est la mozza. Celle-là, c'est la meilleure. Voilà, là, vous avez pris un gros croc. C'est la fior di latte. Et du coup, c'est celle qui vient d'Otenta et qui a été faite ce matin. Et. Alors, Corentin. Il y a le droit de parler la bouche pleine à Lyon. Ok, ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Vous sentez, même si c'est, alors évidemment, c'est pas le plus écologique, hein, parce que ça demande de l'élevage de vache. Déjà, on tue pas la vache. On tue pas la vache. C'est déjà ça. On tue pas la vache et c'est local. Et puis alors, celle que vous avez, décrivez-nous ce qu'on a. Alors, ici, si vous dans avez cette à côté, c'est aussi une burrata que fait Otenta. Je vous ai ramené parce que je sais que vous aimez particulièrement ça. C'est Daniel. Vrai. C'est vrai. Donc c'est celle, c'est donc ce que je vous disais tout à l'heure, une poche de mozzarella dans laquelle on rajoute de la crème et de la mozzarella effilochée. Donc c'est particulièrement addictif. Oui. Voilà. Oui. Bon, alors, je vais pas finir cette émission la bouche pleine. Vous nous conseillez quelques bons endroits pour acheter de la mozzarella, Zazie? Bah alors je vous mets sur le site le lien d'Otenta où vous pouvez trouver la mozzarella et je vais vous mettre aussi une recette très simple à base de mozzarella, une recette avec du pain, des tomates, de la mozzarella, de l'origan que l'on met au four et ça fait une sorte de pizza, c'est très bon. Et pour celle-là, on peut utiliser sa mozzarella un peu vieille, un peu moins bonne. Voilà. Bon, très bien, je rappelle qu'on peut vous lire hein, sur le site saumonparis.com dont nous sommes partenaires et puis donc on va mettre cette recette en ligne sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Alors, Au Wiedersehen, sayonara et bien d'autres choses encore. Au revoir, monsieur. Demain à 16h, nous partirons mener l'enquête sur l'île de Pâques. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et puis après le journal, c'est le Mac de l'été avec Charlotte Lipinska.